Ma folline, folline, tu perché me folle, folle, tu, folle, tu sei toujours un pauvre nos amours. Vois-tu quoi les colombelles qui du bec de leur selle, folle, que si doucement dans la mine après nous seulement, folle, que si doucement dans la mine après nous seulement. Il nie tout leur contenance, il leur faut l'offre de danse. Si l'on veut-tu t'approcher, je suis trop de fois lâché. Vous feignez la malcontente, vous êtes si folle tendre. Que feriez perdre l'accent, ou au plus folâtre garçon. Que feriez perdre l'accent, ou au plus folâtre garçon. Tous ces bois et ces rivages, certains témoignages aux voisins des environs lorsque nous folâtrons. Rien n'est guère dans la ville que cette folle folie. Il n'y a ne contente tant que de ce fol folâtrement. Il n'y a ne contente tant que de ce fol folâtrement.